Le porte-parole de l'Institut du désarmement et de la paix près le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 28 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée sur les provocations militaires américano-nippo-sud-coréennes contre la République populaire démocratique de Corée. En voici le résumé. Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 28 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée sur les provocations militaires américano-nippo-sud-coréennes contre la République populaire démocratique de Corée. En voici le résumé. Le 28, les États-Unis se sont mis en exercice d'alerte de missiles avec le Japon et la Corée du Sud aux alentours de Hawaï, sous prétexte de faire face à la menace nucléaire et de missiles de notre République. Aux exercices où sont mobilisés les destroyers Aegis et même les drones dernier cri des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, on s'appliquera à poursuivre et détecter nos missiles avant d'en faire l'échange informatique et les intercepter. Chose impardonnable, c'est que ces trois pays ont entrepris ouvertement pour la première fois dans l'histoire les exercices militaires tripartites de nature provocatrice. Les États-Unis visent à travers les exercices militaires tripartites réguliers à faire participer la Corée du Sud au système de défense antimissile américano-japonais pour fonder un cadre destiné à l'alliance militaire tripartite, à justifier la disposition du SAD en Corée du Sud et à prendre la suprématie militaire absolue dans cette région. Récemment, le commandant américain du Pacifique a estimé plus important les exercices futurs, sans parler des présents exercices d'alerte de missiles, en montrant l'intention de normaliser les exercices militaires américano-nippo-sud-coréens, alors que le secrétaire américain à la Défense a souligné la fondation d'un organisme de la sécurité collective en Asie-Pacifique, comme l'OTAN, où les rapports de collaboration tripartite constitueront un élément important. L'apparition du système de défense antimissile des États-Unis de plus en plus réel en Asie-Pacifique et celle de l'OTAN, version asiatique axée sur l'alliance militaire américano-nippo-sud-coréenne, ne sont point un projet lointain. Étant donné que les États-Unis et les pays hostiles entreprennent souvent les manœuvres militaires conjointes pour menacer en permanence la sécurité de notre République et de la région, nos militaires et civils développeront toujours la capacité de première attaque nucléaire susceptible de menacer sans cesse les ennemis en donnant de l'éperon à mettre au point des armes d'attaque stratégiques variées.